Van. Da. Monde de merde, monde de merde. Monde de merde, monde de merde. Ah oui, monde de merde. Gabacho son mouais desde Barcelona, comme chaque lundi, bah ouais, de retour, c'est clair, c'est parti, pour deux heures d'antenne, avec plein d'invités, plein de monde dans les studios, c'est déjà parti, hein. D'entrée de jeu, des intervenants, des gens informés, tout ça, la technique, la poule périe, Fernando, ouais, je suis là, une autre fois, ça me fait trop plaisir d'être avec les Gabachos, et voilà, on est frères, déjà, c'est clair. Ouais, c'est clair, bah, partie intégrante de l'émission, plus ça va, c'est clair, et poule périe, sacré coup de main, parce que notre technicien mystère, on va dire, n'a pas pu se libérer ce soir. Donc on trouve toujours une solution. La prog, elle est faite à l'arrache comme d'hab, la veille ou le surlendemain. Bref, ça fait rien, ça tient la route. On s'en fout ce soir de groupe. Les Chesudaka, hyper connus dans le quartier, bien sûr. Et puis, alors, une catalane avec son groupe L'ombre de ton chien. Attention, avec des reprises françaises, ça va être chaud ce soir. Plein de choses, tout ça. Allez, on enchaîne avec un bon petit dub des familles pour démarrer d'entrée de jeu. On revient allez, dans 2-3 minutes. Let's go, benga! Olé, olé, olé, les micros sont ouverts, c'est clair, ça enchaîne Contrabanda, Théo de Barcelona, en directo, bah ouais, comme chaque lundi, on l'a dit pour rien que pour tout le monde, hein, on va dire ça, hein, les Catalans qui comprennent le français, tiens, c'est le cas, tiens, on va voir ça tout de suite avec une certaine Anna, voilà, hein, de son nom d'artiste, ou bien Anna ou l'ombre de son chien, ou l'ombre de son chien, tiens, on va rapprocher les micros, c'est clair, ça va pas du tout là, on va baisser tout ça. Et bien sûr Anna qui est là parce que c'est la première qui est arrivée. Ils ont fait aller une petite demi-heure d'autoroute rien que pour être là dans les studios. Et ils hallucinent parce que c'est à l'arrache ici. Comment on va faire pour le matos? Ne t'inquiète pas Anna, on va aller plus vite que notre ombre ici, t'inquiète pas, wow. Ça devrait le faire. Super. Et puis ça m'enchaîne avec les Chisudaka en acoustique qui arrive allez, à 11h moins le quart. Donc deux groupes ce soir, c'est clair, parce que Los Gabachos, on essaie de ramener un paquet de monde ici. L'émission se termine à la fin. À la fin juin, début juillet, entre autres, donc jour fatidique, moins je sais pas combien, à voir, on cherche une salle pour faire une putain de soirée, Fernando aussi, ça, hein, à prendre. Mais sinon, on va la faire dans la rue, on s'en fout. Ouais, dans la cahier, comme on va revenir, hein, il y a eu une grosse manif sur les Ocupa à Barcelone, c'était samedi, c'était le Y dans la rue, et voilà. Entre autres, donc les petites infos, et puis, ben, y a Anna qui est là, y a Anna qui se demande où c'est que je suis. Où est-ce que je suis? Eh ben, écoute, t'inquiète, Plaza Real, en plein centre de tout le bordel d'ici de Barcelone. Ouais. Ça te fait plaisir, t'as l'air enchanté, c'est clair. Bah oui, j'ai le sourire, oui. Autant le sourire. Où est-ce que je suis, mais bon, je suis bien, donc ça va. Ça, c'est clair, le sourire. Et puis, mademoiselle déconne pas mal quand même, parce qu'elle fait, en plus de chanter, d'être interprète. Hein, et puis de faire tes propres chansons en tant qu'auteur, compositeur, je ne sais pas, peut-être, oui, aussi, un petit peu. En catalan en plus. Un peu en tout, un peu en français, un peu en catalan, un peu mélangé. Ouais, voilà. On va voir ça juste après quand les musiciens arriveront, toute la troupe, toute la smala. Voilà, on est presque tous là, donc il faut juste qu'on trouve un petit coin pour s'installer. On va reculer les micros, t'inquiète pas, ça va se faire vite fait. Ça c'est clair. Mm-hmm. Et donc, alors le sourire, parce que tu fais des shows, ces blagues et compagnie quand même, en catalan. Alors, faut suivre, c'est vrai, puisque bon, t'es d'origine d'ici, quoi, de Catalogne. Oui, de Catalogne, oui. Bah, en fait, pour le public, normalement, il y a majoritairement un public catalan, donc ils suivent. C'est un peu pour ça que je raconte des histoires aussi. Parce que sinon, je me dis, d'accord, ils vont rien comprendre des chansons en français. Donc, du coup, je leur raconte un peu ce qui va se passer en blaguant, tout ça. Et après, on enchaîne avec la chanson. Que si c'était en France, il n'y aurait pas de problème. Les gens suivraient les textes. Le public est là quand même. Il y a une communauté française ou francophone ici. D'ailleurs, comme on le dit souvent, on est surpris de tous ces expatriés, ces étrangers. Mm-hmm. Ici, qu'on croise de toute l'Europe ou du monde qui parle français, quoi. Oui, hein, c'est comme vrai. Toi, alors t'as de la famille maternelle pour... Oui, ma mère est française, mon père est catalan, donc voilà, ils habitent ici depuis 30 ans, donc... D'accord, voilà. Depuis 30 ans, donc... non, mais c'est hallucinant, parce que mademoiselle, ouais, se permet de faire son petit show cabaret dans le quartier au théâtre Lantiol. Donc pour une prochaine date, c'est quand? C'est très bientôt? On a deux dates finalement, on croyait qu'on aurait juste le mercredi prochain, mais on a ce mercredi prochain et l'autre, juste le 30 mai, mercredis à 11h du soir. D'accord. Au théâtre Lantiol. Bon, merci à Yuri pour une date supplémentaire. Oui, voilà. C'est sympa, c'est génial. On enchaîne Fernando sur Mañana Me Canto. Non, mais je trouve pas le CD. Ah, tu trouves pas le CD? C'est dommage. C'est dommage, on l'a pas, mais il y en a un. On va mettre 5 grammes de tête. 5 grammes de tête. Bah là, justement, on va faire un tour vers la Catalogne française perpignane. Quand même. Voilà, et puis on revient, on a plein d'actualités, on va parler avec Fanny du nouveau gouvernement en France, de ce qui se passe, tout le bordel depuis qu'on a un nouveau président, ceci, cela, et puis voilà, on a du temps encore devant nous, ça va être sympa ma chère, merci d'être déjà parmi nous Anna. Merci à vous. C'est un plaisir, les gabachos, nos auditeurs également, bien sûr. See how it be. I'll fire your hustle, how it be. Come on, I wanna be, mama. I wanna be a lesbian. Right on in, Contrabanda, ça c'est les gabachos. Si vous pouvez toujours nous appeler, peut-être que vous nous écoutez depuis la France, sur le net. Mais si vous êtes à Barcelone, en Espagne, c'est très simple, c'est 83 317 73 66. Bordel, le numéro en français, de cette fois, ça sort pas. 93 317 73 non 93 77. Bon, j'ai rien dit, mais Sylvain. Bon, bah écoute, Fernando, on va réussir à le faire. Allez, 93 77 73 66 pour les Espagnols. Allez, on va te le laisser celui-là, hein, avec ouais, un bon accent du sud d'Espagne, là, Fernando. Et 0034 si vous appelez depuis la France. Ouh, que c'est bien vu, c'est pas oublié, ça c'est clé. Et donc voilà, bah, et puis bien sûr sur le net, hein, entre autres, et les podcasts, comme on a pu en parler, oh, on n'arrête pas. Bref, voulez-vous taper un petit live discretos pépère là, à télécharger bien sûr. Voilà, pour ceux qui ont loupé les émissions, il n'y a pas de souci en podcast, monsieur Fernando, comme c'est la tour. C'est où le site? Ah, le site, nous c'est sur archive pour l'instant. On va bientôt le mettre en lien sur l'adresse mail de Contrabanda, c'est archive.org. Voilà, avec les trois petits W devant, bien sûr, c'est clair. Archive. Et puis, hein, aussi une bonne nouvelle, on a retrouvé le CD de Mañana Me Canto. Ah, ça c'est une bonne nouvelle dans les studios quand même. Ça, c'est un bon début. Bien sûr. Et puis bah là on va faire le point avec pas mal de monde, et on va dire à Jojo de ramener tout le monde dans le quartier là, parce que c'est clair, tout le monde s'éparpille là-dedans, ça va être parti pour un sacré bordel, hein, chère Fanny, hein, parce que là on a même pas fait 20 minutes que tout le monde s'éparpille, c'est le bordel, et on va se retrouver à 25h30 peut-être tout à l'heure. Bref, hein, grosse soirée, parce qu'il y en a qui nous ont dit l'ombre de ton chien, immanquable quand même, hein, une catalane qui va foutre le why, des chansons un peu love, tout ça, des bonnes petites reprises de de gens très connus en France, Jacques Brel, on a qui encore un Gainsbourg, on a Nougaro. Ah, Nougaro, Toulouse et Toulousain, là, et tout de suite, là, ça leur a direct une rose en cœur. Bien sûr. Non, on ne la fait pas celle-ci, mais on en fait d'autres de lui aussi belles que celle-ci. Et bien sûr Paris Combo. Alors, ça, c'est une très bonne nouvelle. Bref, on écoutera tout ça tout à l'heure. Voilà. c'est clair, sans tarder, bien sûr. Et puis, Fanny, alors explique-nous qu'est-ce qui se passe en France. Moi, je vous fais une petite chronique sur ce qui vient de se passer en France. Donc, je crois que tout le monde le sait. Là, ça y est, on a droit à Sarkozy. Sarkozy, t'as la voix cassée pour dire ça. Attends, à la radio, j'ai la voix. Je peux plus parler, mais bon, je vais essayer quand même. J'allais dire, t'es pas Jojo avec ta voix, mais non, rien à voir avec Jojo qui nous a rejoint. C'est bien sûr qu'il va prendre le micro, on va parler de la France tout de suite. Fanny, t'écoute. Donc, j'y vais. Donc, après quelques jours donc, de vacances sur la bicoque de son pote Bolloré, notre cher président Sarkozy a enfin nommé ses sbires. On ne sait pas si c'est à cause des premiers dérapages des forces de l'ordre à Paris contre les jeunes manifestants anti-sarkozistes, mais en tout cas, on est obligé de lui concéder une chose. Sarkozy a mis fin à un siècle de gérontophilie politique. Ça y est, les vieux ne sont plus au pouvoir. La moyenne d'âge ministériel passe de 65 à 53 ans. Donc on va s'arrêter quand même sur la présence de la Benjamine, 39 ans, Christine Albanel, qui est au ministère de la Culture. On l'avait compris dès le début de la campagne, la culture ne sera pas au centre des préoccupations de ce gouvernement. Madame Albanel est un héritage de Chirac. Après y avoir préparé ses discours pendant des années, la petite Christine doit jubiler à l'idée de pouvoir enfin exercer son autorité. Reste à savoir comment elle va déployer la politique culturelle de Sarkozy, alors que ce dernier clamait haut et fort l'inutilité d'un tel ministère pendant toute sa campagne. À la justice, pas de surprise, Rachida Dati est félicitée pour sa fidélité lors de la campagne. L'incarnation parfaite de la réussite à la française va-t-elle tomber dans le tout répressif ou pas? Là est la question. En tout cas, on sait déjà que les premières missions seront la lutte contre la récidive et contre la violence juvénile. Donc vive la tolérance zéro et vive les camps de travail pour les enfants, ça va peut-être être la nouvelle devise de notre chargée de la justice. Donc heureusement, Sarko est toujours autant préoccupé par son image. Et pour prouver son ouverture à gauche, il nous colle Kouchner aux affaires étrangères. C'est plutôt rassurant pour les sympathisants de gauche, même si beaucoup d'entre eux le targuent déjà d'être un véritable traître. À l'intérieur, on rigole pas, puisque c'est Alliot-Marie qui devient chef des services de police. En même temps, elle a dû se faire la main avec les militaires. Et Fillon, comme Premier ministre, bon ça on l'avait vu venir quand même, il réunit toutes les caractéristiques du bon bras droit de Sarko, c'est-à-dire qu'on sait qu'il va s'effacer derrière lui en cas de victoire électorale ou de victoire de la politique de Sarko. Par contre, on sait aussi qu'il va encaisser les coups sans rien dire pour faire passer les réformes en force. Et alors la petite blague de la fin, c'est pour Alain Juppé à l'écologie, donc heureusement qu'il vient en vélo à l'Elysée, parce que franchement sinon on n'aurait pas trop compris pourquoi il était nommé à l'écologie. Voilà, et donc la petite dernière blague quand même pour Hortefeux qui se transforme en agence de voyage spécialisée en charter pour l'Afrique, qui a l'immigration, et on sait déjà qu'il n'y aura pas de régularisation pour l'instant pour les sans-papiers. Voilà. Et il faut quand même parler de Borloo aux finances. Donc c'est bon, Johnny et Laetitia vont revenir claquer des thunes en France, puisqu'il a bien dit et bien réaffirmé que désormais, les tranches fiscales seront limitées à 50%. Donc c'est bon, tout va bien pour les plans de sous. C'est intéressant, la petite chronique pour faire le tour de la question. Bah justement, on va parler de Johnny, parce qu'il a fait des déclarations, et puis sa femme aussi, c'est intéressant. J'ai pas lu le canard. Ah, le canard. Alors on va essayer de retrouver ça, parce que nous, des fois, on a une semaine de retard. Vous inquiétez pas, sur les informations, mais on ne les oublie pas, il y a des choses qui passent pas en travers. Donc qu'est-ce qu'a dit Johnny? Alors ça c'est marrant, hein, bon. Alors voilà, donc il aurait dit à Sarko, et il m'a dit, écoute Coco, t'avais envie de le faire, tu l'as fait, t'as bien fait. Bon. apparemment c'est cool. Donc il dit, bon bah voilà, il a carrément encouragé, bon faut voir. Hein. Et puis c'est surtout quand même. Comment ? Il devait se faire un peu chier à Stadt en Suisse. Ouais, avec ses poufs, quoi. Voilà. Pas très fun. Avec ses poufs, parce qu'il a des très beaux canapés, tout ça, on le sait bien. Et puis sa femme explique, Nicolas veut remettre le bouclier fiscal à 50%, blablabla. Donc ça veut dire que ils vont pouvoir travailler la moitié de l'année pour l'État et pas les trois quarts actuellement. Voilà, et donc là, il y en a qui se moquent. Effectivement, Laetitia en sait quelque chose, parce que effectivement, elle bosse pas un jour à l'année. Bon, bref, on s'en fout. effectivement, pour parler de travail, c'est toujours intéressant. Petit Johnny, tout ça. Je reviens à Bordeaux, il y en a qui le considèrent justement à, par rapport à Gainsbourg. C'est, apparemment, c'est un bon vivant, un bon fêtard, tout ça. voilà, petite parenthèse. Et puis, es-tu au courant qu'il y a un ministère, bien sûr, hein, le ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Nationale, n'oublions pas. National, bien sûr. Donc, avec un monsieur qui s'appelle Brice Hortefeux. Hortefeux, ouais, il y a le feu. Hein. Ouais, ouais, j'ai souvent du mal. Des charters, a priori, là, pour le prochain quinquennat, quoi. Ah ouais, avec qui? Avec Air France, peut-être, hein, comme partenaire. On verra. On verra, puisque du petit Sarkozy. Et puis justement, c'est intéressant de savoir aussi que on va revenir sur le budget de l'Élysée, tout ça, et puis que ils ont leur avion personnel, les Falcons, tout ça. Il y en a deux, je crois. On va pas se tromper sur les chiffres. Nous, on est fort pour ça des fois. C'est pour ça qu'on évite les statistiques et surtout pas se tromper de porte-avions comme certains l'ont fait. Bref. Donc alors, écoute, ce ministère, voilà. Alors il y en a qui disent attention, méfions-nous, parce que aux Pays-Bas, ben, c'est un pays comme nous qui n'a pas voté pour l'Europe, bien sûr, donc forcément ça a arrêté un peu le processus. Et une certaine Rita Verdonk, voilà, qui est arrivée en mai 2003, un peu le même style de ministère, hein, ministère de l'intégration là-bas. Et voilà, donc ils ont peur de la dissolution de leur pays, de leur identité, entre autres, et aussi par rapport à l'avenue de la Turquie. On sait bien que Sarkozy a déjà été remis à l'ordre par rapport à d'éventuelles suggestions à l'Europe de ne pas incorporer la Turquie, et c'est le président de l'Europe le lendemain de... Mais c'est ça qui est un peu surprenant, hein, c'est qu'il confie le ministère des Affaires étrangères à Kouchner, qui est quand même un humaniste quand même, bon, même s'il a fait des conneries. Il y en a qui ont un bon jeu de mots là-dessus, comme quoi Nicolas Sarkozy voudrait liquider... qu'est-ce qu'il voulait... Ouais, il voulait liquider au Kouchner. Voilà. Bon, ça, après, ça fait marrer certains. Je ne sais pas. hein. Liquider mai 68, c'était ça exactement. Ouais. Liquider mai 68 au Kouchner. Ouais, c'est ouais, déjà c'est... bien de liquider le mai 68. non, mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que c'est qu'un gouvernement transitoire, parce qu'il y a les législatives qui arrivent derrière, donc on ne sait pas trop en fait qui va rester. Donc pour l'instant, effectivement, c'est paritaire, il y a des femmes, bon, comme il avait prévu. Voilà, vu, quoi, bien soft pour l'instant. Il a ouvert à la gauche, etc. Mais bon, on ne sait pas trop ce qui va se passer après les législatives. Donc, c'est bientôt, hein, rappelle-nous pour ici. Je ne sais pas la date exactement. Mais c'est au mois de juin, non ouais, c'est pas quelque chose comme ça. Quelques semaines, ouais. Très, très, très, très bientôt. On verra. On en reparlera, bien sûr. Je voudrais signaler quand même qu'en France, il y a des gens qui font des choses bien. Et il y a un site, notamment, qui s'appelle Rue 89, où il y a un article qui est génial de Barbara Becht, si, je ne sais pas si je le prononce bien, et qui couvre, en fait, une fausse manif qui est organisée par une asso qui s'appelle les Brigades Activistes des Clowns, et qui fait, en fait, une fausse manif de soutien à la droite avec des slogans du style... le clergé avec nous, ou la culture ça donne mal à la tête, ou la Starac c'est pas si mal que ça. La douche. Et il y a quand même des gens qui ont très peu d'humour en France, puisqu'ils sont suivis en fait par des vrais sarkozistes qui comprennent pas la blague. Donc bon, exact. Voilà, mais il faut aller voir cette vidéo, c'est vraiment sympa à voir, c'est assez décalé quoi. Il voilà. y a un paquet de vidéos en ce moment qui tournent justement sur, alors là, Rue 89, c'est un nouveau média alternatif des anciens de Libération, ouais, qui sont juste arrivés après le premier tour, c'est ça? Entre les deux. En fait, ils ont créé ça suite à la mise en liquidation de Libé, au processus de licenciement. Donc c'est un truc qui marche par blog sur différents qui sont créés par différents anciens journalistes de Libé, effectivement, qui sont bien décalés et assez cinglants dans l'ensemble, quoi. Ouais. Non, ils loupent personne. Et effectivement, on a pu voir une vidéo, alors assez incroyable, au sujet d'une contre-manifestation antifasciste. Oui, puisque ça a bien dérapé déjà. Bah, ça a bien dérapé. On peut voir noir sur blanc qu'ils ont embarqué tous les manifestants dans des cars aux quatre coins de Paris, alors que c'était une manifestation pacifiste sans aucun problème. Et la manifestation fasciste n'a pas eu de soucis. Ça, c'est surprenant, effectivement. Et ça, c'était lundi dernier, en plein pendant notre émission. C'est il n'y a pas si longtemps, effectivement. Ouais. Ça n'a pas été très médiatisé. Je pense qu'on peut déjà voir l'influence des potes de Sarko qui commencent à museler la presse, avec notamment le gros scandale qu'il y a eu sur la non-parution au journal du dimanche du fait que la femme de Sarkozy n'est pas allée voter. Et donc, effectivement, je pense que progressivement, Sarkozy, avec ses potes, va museler la presse petit à petit. aussi, mais sûrement, je pense. Alors justement, alors Journal du Dimanche, on revient sur cette info. Effectivement, ils ont eu une info véridique comme quoi la femme de Monsieur Sarkozy n'aurait pas voté. Il y a une photo, elle appuie, elle a pas voté. Mais pourquoi tu l'as dit, messieurs ? Dis-moi. Pourquoi tu l'as dit, messieurs, à Sarkozy ? Bah, ça reste monsieur. C'est pas un monsieur. Ah, Fernando, effectivement. Toi, tu vois comment, alors ? Donne... Pauvre con, mais il a plein de pouvoirs maintenant. Ah, c'est... D'accord. Bon, n'oublions pas que c'est un noble. Sarkozy, deux comment déjà ? On ne sait même plus. On s'en fout. Enfin, ça a dû il faire a plaisir quand même gagné à 53%, donc on est obligé de dire que c'est un vote démocratique et qu'il y a la plupart des Français, malheureusement, qui ont besoin d'un mec comme ça pour ouais, se sentir rassuré. Eh ben, écoute, il faut commencer à se demander un peu aux yeux démocratiques. À où ça ouais. porte. Non, c'est sûr. Quoi. Là, c'est mais bon, c'est bien, maintenant, on a un président sans premier ministre. Il efface complètement tout le monde avec son égocentrisme. Les gens alors, monsieur Fillon, alors ça, c'est marrant. Il y en a qui disent qu'il avait fait une manifestation pour, en fait, destituer son professeur d'anglais quand il était jeune. Et il était assez militant, tout ça. C'est comme, hein, c'est marrant. Hein. Enfin, plein de petits détails, ou bien Madame Rachida, comment c'est Dati. Voilà, qui effectivement pourrait être inculpée hein, pour des propos un peu déplacés entre deux tours. Mais bon, vu que c'est la ministre de la Justice, logiquement... Ça ira pas bien loin. Voilà. on va revenir au Journal du Dimanche, parce que effectivement, c'est le chef, hein, le chef de rédacteur là-bas, en chef, le rédacteur ouais. en chef, qui, lui, a pris la décision de ne pas divulguer l'info. Apparemment, hein, qu'il l'assume totalement. En son âme et conscience, comme il dit, voilà. Donc, mais apparemment, il y a eu quand même des réactions de la part de sa rédaction qui se sont unies en fait auprès du journaliste qui devait éditer ce papier. Et il y a quand même des gros mouvements au niveau des journalistes en France qui veulent préserver la liberté de la presse. Alors c'est chaud parce qu'on en a parlé. Il y a des médias alternatifs qui bougent de France, des serveurs web, tout ça, le contrôle des médias. Ça devient chaud, la téléphonie et compagnie. Et eux, apparemment, ils avaient prévu aussi un article sur des vifs échanges au sein du couple Sarko. Apparemment, c'est tendu, tout ça. Et ça n'a pas été non plus divulgué. Et puis, voilà, ouais. Il y a des rumeurs, apparemment, qui datent déjà depuis un an. Il y a des gens aussi, alors, Zaléa TV, télé libre, alternative à Paris... à l'arrache, hein. C'est pas comme ici, mais c'est bien artisanal. Sont permis de faire une émission sur les rumeurs. Oh là là, attention. Ils ont prévu d'essayer de continuer jusque fin juin. Bon courage, parce que effectivement, ils se lâchent pas mal. Ils se lâchent bien. Zaléa TV à Paris. Un petit salut à eux. Et voilà, donc il y a des rumeurs qui circulent hein, à chaque fois, ou des pressions, ceci, cela, le couple Sarkozy, il y en a qui disent que c'est, attention, méfions-nous de la femme fatale. Il y a de la presse américaine qui parle de ça. Voilà, comme quoi c'est une femme fatale. Il y en a qui se sont arrêtés, comme quoi sa femme s'est détournée pour lui faire un bisou sur la bouche, tout ça. Quand il est devenu président, puisque forcément il y a une grosse bouffe, une bonne assemblée et compagnie. Ça, c'était la semaine dernière. Et il y en a qui disent... Alors, on parlait du budget de l'État, parce que que va faire Sarkozy, forcément on a parlé de la caisse, ce que Chichi s'est barré avec la caisse en changeant de gouvernement, ou autre, on pourra revenir là-dessus pour qu'on le saura plus exactement. Mais apparemment, à l'Élysée, c'est pas mal, hein, c'est cool hein, comme lieu. Il y a 365 pièces, 957 employés, 61 voitures, 7 scooters. Il y a des scooters. Alors, c'est dommage parce qu'il aurait pu donner les scooters maintenant à ses enfants. Il n'y aurait pas eu de problème pour les retrouver. Ou bien ils en auraient pris un autre puisqu'il en restera toujours 5 de plus dans le garage. Qu'est-ce qu'on a ? Il y en a qui le comparent au Roi Soleil, 10 résidences officielles. Voilà, 2 Airbus, 4 Falcon. Un budget qui a explosé de 800% sous Monsieur Chirac. Hein, à voir si ça va être les vaches maigres dans un certain futur, puisqu'on a vu quand même Monsieur Sarkozy faire un symbole, parce qu'il aime bien les symboles hein, à Malte comme Bonaparte apparemment aussi, ou remonter à Paris voilà, tel Kennedy en voiture cabriolet maintenant, la voiture officielle française. C'est sympa, non, mais c'est ça cool, y est, c'est la Starac quoi. Bah ouais, et ben, la politique fiction, on parle de politico-people, alors il y a un nouveau mot, les pipolitiques. Fernand, donc, ça veut dire quelque chose pour toi, ça ? Moi, écoute, je sais pas. Voilà, parce que il y en a certains des people déjà qui retournent leur veste aussi. Hein. D'accord. Et apparemment, ça a gêné Monsieur Sarkozy de se retrouver qu'avec des ringards style Starac, effectivement, sur le podium avec ses potes. Ben, Starac, c'était plutôt ses go, quoi. Il y avait Renault, il y avait Benabar. L'autre, il avait juste, comment elle s'appelle, la vieille là avec. Ah, la vieille. Mireille Mathieu. Voilà. Non, il était avec Sarko. Et Johnny. Non, il n'était pas avec Sarko. Avec Royal. Bon, ça reste les mêmes shows à chaque fois. Parce que, franchement, sur certaines télés, on pouvait suivre ça en direct. La télé séparée en deux, avec d'un côté le show, et puis de l'autre les politiciens qui parlent aussi. Il y a pas mal d'années, il y avait un Français qui s'appelait Guy Debord, qui parlait de la société de spectacle, non? Il analysait la société actuelle comme une société mise en place à travers de spectacle. Et la politique qu'on a maintenant, c'est ça. C'est on a développé le spectacle au maximum. Et on ne peut pas dire qu'on a des partis politiques. On ne peut plus parler de démocratie, pour moi. On parle d'un spectacle, d'un jeu. Et les partis politiques, c'est des entreprises de communication. Bah écoute, ça va devenir à l'américaine, hein, comme les lobbies, les politiciens qui s'affichent complètement avec les grandes multinationales et que tout le monde sait que déjà dans le programme, il y a des réseaux et compagnie, que c'est noir sur blanc, chose que la mentalité européenne ou française n'est pas encore habituée à voir, effectivement, des gens associés avec telle personne ou autre, des relations. Tu vois, Sarko nous a caché plein de choses. Est-ce que les gens pensaient voter Sarko tout de suite en premier discours? On parle des États-Unis, ceci, cela, les rapports avec Blair, les voyages à la Berlusconi, ceci, cela. Donc c'est à voir effectivement. Mais je crois que le problème basique, c'est qu'on croit que ça va venir, mais non, c'est déjà ici. C'est déjà mis en place, ça fait des années que ça fonctionne comme ça, que ça marche. En France, en Italie, en Espagne, dans toute l'Europe. Ouais, mais je pense qu'on a vécu quand même un tournant pendant ces présidentielles où ça a été, ils ont été autant Ségolène que Sarkozy ont été starifiés, c'est-à-dire on a épié leurs moindres faits et gestes par des paparazzi, etc. Et puis on s'est fait un plaisir de critiquer Sarko sur le yacht de Bolloré pendant 3 jours. Bon, il a fallu qu'il rentre vite quand même parce qu'il a senti que ça allait finir par vraiment énerver les gens. Mais on l'a pas vu dans l'église, je sais pas. Significatif, quoi. Il y a eu quand même un manque de distance par rapport à tout ça qui était propre à ces élections-là, quoi. Mais bon, en même temps, ils sont arrivés à rassembler les Français lors des élections, ce qui était quand même assez exceptionnel. Puis ça faisait depuis 76 qu'il n'y avait pas eu un taux de participation comme ça, donc c'est quand même pas mal, quoi. Et pour moi, c'est pas une victoire, ça. Mais effectivement. Pour moi, c'est ça le problème, justement. Mais apparemment, c'est spé, parce que tu disais, on a un gouvernement jeune, ceci, cela, mais la population française vieillit, et apparemment, quand même, les personnes un peu plus âgées que la jeunesse ou autres ont bien voté pour Sarko, et ça a fait basculer un petit peu. Mais même les jeunes ont voté pour Sarko en France. Oui, mais il y a quand même un écart très peu, hein, 53-47, quand tu vois le nombre de gens, c'est historique. Le nombre de gens qui ont voté en France au second tour, c'est du jamais vu. Ouais, mais c'est une grosse victoire pour Sarkozy, 47-53, elle s'est quand même fait bien laminer, c'est go, quoi. Ben, il y en a qui s'attendaient à plus que ça, quand même. Hein. Il y avait quand même des instituts de sondage qui avaient la réponse avant le premier tour. Bon, après, donc, peut-être un ou deux hein, sur 400. Faudrait faire les statistiques de ça, entre autres. Donc, alors, on revient sur le budget de l'Élysée, parce qu'apparemment, ça a été doublé de 10 à 20 personnes au motif que le couple Sarkozy a 4 enfants à charge. Donc, un budget qui a atteint 31 783 605 euros. Parlons en euros, on est 5 euros. Qu'on a tous en poche ce soir. Donc voilà les petites infos locales. Et de quoi on va faire un petit break, Fernando. Ouais, comment on va passer un peu de zik. Un petit break, sinon les gens ils vont péter les plombs. Bah ouais, ils vont dire c'est quoi ce bordel, on parle que politique et compagnie, voilà. Mais non, bien sûr que non. Allez, qu'est-ce qu'on va se faire? Mañana me chanto. Mañana me chanto, on va retourner dans le délire, la cahier, puisqu'on va voir les Chisudaka, que ça fait 2 jours qu'ils sont de retour. Mais j'ai mis Occupation, j'ai mis la prochaine, tu avais choisi une autre. Ah, d'accord. Et je crois que ça tombe bien. Ah, bah écoute, ça tombe bien, puisqu'on va revenir sur ce thème, la manifestation qui a eu lieu samedi, tout simplement. Del invierno tenía que ocupar, no había más remedio. Gente sin casa, casa sin gente, ¿cómo se entiende? Ocupación es nuestra única salvación. Cuando la encontramos estaba más. mi gente, ¿cómo se entiende? Ocupación, ocupación, es nuestra única solución. Ocupación, ocupación, es nuestra única salvación. Contrabandard encore là, bien sûr, c'est clair, hein, on n'a pas bougé, ça se met en place, on va voir l'ombre de ton chien, je sais pas si on va voir le clébard, mais son ombre ce soir, en tout cas, hein, avec un petit peu de musique, tout ça, il va bouger la queue, le chien, bien sûr, entre autres, c'est clair, et alors, on a toujours Fernando qui est là, on a Fanny qui nous a fait une de ses chroniques incroyable. De la toilette française. Oh, il y a un piano gigantesque. Alors là, il y a du matériel. Hein. Là, il y a du matériel. Ils se sont pas déplacés pour rien. C'est clair. On est d'accord. Alors l'ombre de ton chien. Ouais. Alors ça discute un petit peu partout. Ouais. Le temps que ça se passe, on va avoir deux petits trois notes de guitare. On va essayer de pas de comment dire, s'éparpiller tout cela dedans. Ça se met en place. Bien sûr. Alors l'ombre de ton chien qui vient exactement de Sant Sadoni d'Anoia. C'est bien ça. Alors là, parce que moi, hein. Oh, génial. Et donc la voilà. Champagne espagnol. Alors, hein, parce que pour ceux qui n'ont pas compris, bon, laisse-moi devenir l'ombre de ton chien, de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas. Voilà, Jack Brel, voilà. Alors, ben, j'allais dire Jack, hein, c'était pas pour Jack Lang, bien sûr. Jack Brel, on est d'accord. Qui est une Brel dans la politique? Là, la question également aussi. On va revenir à l'ombre de ton chien. On va revenir aussi à la liberté de la presse, parce qu'on a oublié de dire que les journalistes du Journal de Dimanche, effectivement, sont bien vénères et ils ont fait une procédure extrêmement rare dans la publication du groupe Lagardère, justement. Ils expriment leur indignation et une ingérence qui a gravement nui à l'indépendance de la crédibilité de leur journal, comme des journalistes. Voilà donc un certain Dominique Volton qui écrit: il faut être lucide, de tout temps pression économique et politique ont pesé sur les médias, mais dans nos sociétés de communication il faut être beaucoup plus vigilant avec la concentration des groupes de communication. La presse doit plus que jamais rester un contre-pouvoir et ne pas tenter de s'ériger en quatrième pouvoir. Voilà, son rôle n'est pas de faire la politique mais d'informer et de commenter. Voilà, donc pour défendre la liberté d'expression dans un monde ouvert, saturé de médias de pression, on en a parlé tout ça, hein, de pression durant la campagne politique et maintenant surtout de la droite, hein, c'est un constat. Voilà, c'est un combat qui disent qu'il est loin d'être terminé, une bataille qui n'est jamais vraiment gagnée. Los Gabachos sont entièrement d'accord là-dessus, Fernando, la Pulseria aussi. On peut profiter pour faire un point sur l'actualité espagnole parce que... Parce que forcément, qu'est-ce qui se passe ici aussi à Barcelone? Là, à Barcelone et dans toute l'Espagne, il y a les sélections municipales, les sélections pour les mairies. Ah, voilà. Les maires de villes. Et là, il y a la télévision catalane qui est en grève, les services informatifs, parce que les partis politiques, ils sont imposés les timings pour les interventions des différents partis. Donc, ils n'ont pas le droit de décider le contenu du téléjournal. Donc, c'est imposé par les partis politiques. Donc, ils sont une partie du téléjournal que c'est déjà mis en place et qu'ils sont en pouvoir de décision sur ça. Donc, voilà, ils sont. Donc, il n'est même pas tant d'histoire de temps de parole comme en France pour des élections. Il y a certaines personnes qui, de toute manière, on ne verra pas leur gueule à la télé puisqu'il y a comme un boycott. C'est bien ça. Oui, c'est justement ça. Ils ont fait un timing. Il y a des téléjournaux de l'après-midi, il y a une demi-heure, je ne sais pas, 20 minutes, que c'est réservé pour les interventions du parti, que c'est les partis qui font, qui décident les timings pour les différents partis et qui décident tout. Ça nous dépasse, ça, c'est encore plus flagrant et c'est à ciel ouvert, les gens disent rien ici en Catalogne. Mais ici, un gouvernement de gauche, hein, en de plus. Soi-disant gauche, qu'on appelle la gauche socialiste, je ne sais pas si. Et bah, ça se pose des questions aussi. On est d'accord. Et là-dessus, se poser des alors, pour les thèmes d'actualité, justement, Fernando Pelon de Barcelone, il y a eu une grosse manifestation. C'était la quinzaine des occupants à Barcelone qui revendiquaient, entre autres, la liberté d'expression et la presse libre. Ils revendiquaient le retour du contrôle de la rue, pas par la police ou autre. Et ils revendiquaient un paquet de choses, hein, contre la répression policière, contre la répression des spéculations, voilà, justement des immeubles, et voilà, pour occuper les lieux, entre autres. Explique-nous comment ça s'est passé, Fernando, t'étais là-bas, non? Mais ouais, j'étais là-bas, et c'était vraiment chaud parce qu'on était serré par la police, et il y avait tous les mètres, peut-être, tous les demi-mètres, il y avait un policier énorme avec tout l'équipement de répression qu'ils sont. Et en plus, un hélicoptère, apparemment, en plein centre-ville de Barça. Mais toute la manif, il était cerclé par la police pendant tous les parcours de la manifestation. Donc les gens, ils ont décidé de ne pas faire la manifestation parce qu'on croyait qu'on n'avait pas les conditions démocratiques pour protester. Donc voilà, les gens, ils ont décidé de dire c'est fini, ça, c'est pas une manif, on ne peut pas se balader encerclé par la police. Et la police, elle a décidé qu'on devait se balader, donc on ne laissait pas sortir personne de la manif, on ne laissait pas rentrer personne, et pendant 3 heures, on s'est baladé tout au long de la Via Laietana, jusqu'à ce qu'ils nous ont laissé sortir à côté de la mer. Et voilà, à la plage, il y en a qui disaient vamos à la playa. C'était peut-être une bonne idée avant que ça parte en couille. Ça s'est bien passé, en tout cas, c'est clair. Petite manif, bien tendue, comme on a rarement pu le voir, et pas très festive. Il y a un autre scandale, c'est qu'ils ont utilisé des armes blanches. Il y avait des petits, je sais pas comment ça se dit en français, c'était un kubuntu, c'est une arme de karaté, un petit comme un tournevis ou quelque chose comme ça. Donc voilà, normalement c'est illégal, la police ne peut pas porter cette arme là. Et il y a un police qui s'est pris un coup de main dans la gueule. Un manifestant est parti, il a foutu un coup de main. Il est tombé par terre et dans tous les télés des médias alternatifs, on peut voir très clair qu'il portait cette machine dans sa main. Ah là là, les vidéos maintenant, Fernando, c'est clair, tout est balancé, on peut voir sur le net plein de choses. Les plus graves, c'est en plus que les responsables ici, à Catalogne, de la police, c'est le Parti communiste, l'ancien Parti communiste espagnol, maintenant c'est Eurocommuniste, et le Parti vert. D'accord. Okay. Et le chef de la police, c'est Saura, et lui, il a fait des déclarations en disant que c'est pas grave, que la police, elle peut utiliser des armes blanches, c'est pas grave, c'est ça qui arrive. Voilà. D'accord, alors justement, par rapport à ça, le nouveau gouvernement a mis en place, voilà, moi je vais rebondir comme toi, sur une nouvelle arme, le Taser, voilà, qui envoie une décharge électrique de 50 000 volts jusqu'à une distance de 10 mètres, et dans certains pays, c'est interdit complètement, quoi, hein, donc c'est même considéré comme un instrument de torture au sens de la Convention des Nations Unies, entre autres. Mais voilà, on voit que la répression, ça monte partout, soit à la droite, soit à la gauche, qu'au pouvoir, on vit dans un état de plus en plus policial dans toute l'Europe, et voilà, on a vu soin de ça pour être fort. Mais c'est chaud, autant chaud, aussi chaud que dans nos studios, on va retrouver le premier groupe qui est là, voilà, et on va passer une bonne petite demi-heure avec eux. On va tâcher de faire ça en speed, on finit à 11h30, on a encore le temps devant nous, c'est pépère, franchement, ça va le faire, on aura même le temps de vous donner toutes les infos concerts, entre autres, on va faire un petit break, Fernando, on revient avec le groupe, parce que ça y est, tout le monde s'est installé, il y a même une batterie, on se demande comment on arrive encore à circuler, on circule même plus dans les studios, faut le dire, hein, on est d'accord là-dessus, on va s'écouter, allez, vite fait, Fernando, allez, en speed, hein, puis un petit Chisudaka vu qu'ils arrivent, vite fait, Cosmopolitan. Time, voilà la voix du quartier, hein, qui revient d'Allemagne, Chisudaka, bel et bien connu ici. C'est parti, on entend un peu de musique. C'est énorme. Allons-y. Contrabanda FM. Ràdio lliure i no comercial de Barcelona. Contrabanda FM és un mitjà lliure. Aquesta emissora està contraindicada pels amants de les GAE. En cas de dubte, consulteu la nostra pàgina web, contrabanda.org. Ouais, Contrabanda, ça y est, c'est parti, l'ombre de ton chien, ça répétait le temps, allez, en plus de s'écouter le groupe qui va venir après, deux groupes ce soir, c'est incroyable, c'est en direct, c'est à Barcelone, avec toute une clique de Catalans, l'ombre de ton chien, ils font des reprises de la chanson française, ah, ça c'est le petit côté foufou cabaret, tout ça, qui arrive vers nous, ah non, mais ça fait plaisir, hein. On a eu la petite Sof avec son accordéon, t'inquiète, on est au courant de tout ça, de tout ce qui se passe dans le secteur, et effectivement, il y a l'ombre de ton chien qui nous viennent. Alors dis-nous exactement, c'est quoi l'histoire, Anna, de votre formation exactement? Bah, un peu l'histoire, c'est ça part d'un Erasmus à Lyon. Donc, oh, c'est voilà, incroyable. Voilà, tout part d'un Erasmus souvent. voilà, on change de pays et puis on découvre des choses. Et puis, c'est là-bas que t'as appris le français, nickel, un comme peu, ça bah, ma mère est française, j'ai jamais parlé avec elle en français, mais quand même, c'est là-bas en pratiquant que j'ai eu. Voilà, que je me suis de plus en plus débrouillée en français. Et déjà, tu chantais français avant? Non, pas du tout. Du tout. J'étais un peu musicienne, je faisais un peu de saxophone, un peu de piano, mais... Tu touchais à tout, quoi. Je faisais plus de l'éducation musicale, j'allais dire éducation nationale, non. Oh là là, non, on a parlé de ce thème tout à l'heure. Non. Je suis instite en musique, spécialisée en musique, en fait, et je suis allée là-bas à Lyon pour ça. Et finalement, là-bas, j'ai découvert la chanson française, je connaissais pas du tout. Et tout le côté théâtre qui est à la chanson, tout le côté interprétation, tout ça qui m'a bien plu. Et après, j'ai commencé à faire des études là-bas dans d'accord, à l'école tout ce nationale là, de quoi. Musique de Villeurbanne. Et puis, oh, ça tombe bien, on voilà. A passé à iTunes. Hein. Là, on passe dans l'électro-dub de Lyon. Et ouais, forcément. Ah ouais. C'est un petit clin d'œil pour toi, ma chère, ce soir. Voilà, c'est peut-être pour ça que ça me disait. Voilà, donc alors, on a du matériel énorme. On a un gros Roland dans le coin, là. Une brave ouais. Bête, là. Un bon petit piano comme il faut. Une sacrée contrebasse, ça nous fait penser à Santiago des Bacchantes Savisati, là, qui joue dans la rue, justement, une petite dédicace à toute la clique des Batuqueros et les icônes de rue qui jouent où il y avait les Indiens avant, aux porte-veilles, juste à côté, quoi. En plus, il y a toutes les estrades, tout ça, c'est génial. Santiago qui est venu avec la même contrebasse, c'est énorme, une batterie, alors senior à la batterie, quattro persona. Quatre personnes. Vale. Somme quatre. Ah, c'est unique, c'est franchement, hein, une première dans l'émission. Le guitariste qui s'est mis à la technique, qui va pouvoir en plus, peut-être même pouvoir chanter directement dans le micro. Nickel, nickel. S'il veut faire des cœurs. On exploite au maximum, hein, la surface vitale ici qu'on a dans les studios. Pas de soucis, on vous écoute pour un premier thème, dis-nous. Allez, c'est parti comme ça, là. Qu'est-ce que vous allez vous faire? Tiens, si tu... Un petit ouais. Poinçonneur, comme on avait à moitié commencé. Oui. D'accord, on peut s'écouter Gainsbourg juste avant, tiens, Fernando. On a une petite phrase venant de lui. Il nous écoute, on sait bien que c'est un père spirituel pour vous. Nous aussi, salut Serge. On va l'entendre. Logiquement, il devrait rentrer avec nous en contact. Mmh. c'est incroyable, c'est Zazie qui nous a répondu. Salut Zazie, ça fait plaisir. On va écouter Serge. Et là, on repart direct sur le live. Là, c'est du vrai Gainsbourg, de la vraie reprise en direct live. C'est parti, l'ombre de ton chien. Benga. Oui, le poissonneur des glas, le gars qu'on croise et qu'on regarde pas. Y'a pas de soleil sous la terre, trop de croisières. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y'a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il n'y a pas de se mettre. Moi je fais des trous dans des billets. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour un valide changé à opéra. Je vise au cœur la planète, j'ai dans ma tête un carnaval de confettis. J'en amène jusque dans mon lit, et sous mon ciel de faïence, tu ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je dis vague, je vois des vagues, et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour me sortir de ce trou où je fais des trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille, et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, arts et métiers directs par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrai m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute, écoute. Et si pour moi il n'est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y'a quoi devenir dingue, y'a quoi prendre un flingue. Se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou. Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Et on mettra dans un grand trou, je n'entendrai plus parler de trou, ou jamais de trou. De petits trous, de petits trous, de petits trous. Olé, olé, allez, alors, ouais, franchement, ça c'était une petite dédicace hein, pour les métros de Barcelone, où d'ailleurs on cherche le poinçonneur, des fois il est pas là, alors on se dit tiens, qu'est-ce qui se passe, il y en a pas, bah tiens, on va passer gratuit, tiens, bah, ah, bah voilà, bah ça tombe bien. Bref, hein, petite dédicace, d'ailleurs il voilà. Y a toujours le métro des Lilas à Paris, hein, c'est bien ça. Je pense. Je crois, hein, pas, voilà, je voilà, où il y a, Paris, où y a... si, si, si, si, exactement, alors... comment dire, des influences. Ça vient d'où tout ça? Qu'est-ce qui t'a dit, Anna? Parce que c'est toi qui chante, c'est toi qui es ceci, cela. Bon, il y a les musiciens, attention, hein, on n'est pas là pour dire les musiciens, ils tiennent pas la route. Non, non, non, non. Ils sont costauds, ils sont même venus avec toi. Oh là là, c'est énorme. Bref, d'ailleurs, ils doivent halluciner. Où c'est qu'on est? Vous inquiétez pas. Tranquille. En plus, ils comprennent pas le français, donc ils peuvent se dire qu'est-ce qu'ils racontent. Bon, en tout cas, ils voient bien de marrer, hein, ma chère, oui, hein, c'est clair. Donc, alors, on a Anna Roig. Comment Roig. Ça se dit? Anna Roig. C'est en catalan, oui. Voilà, alors, voilà, on a un certain Carl Sanz. Carl Sanz, oui, voilà. Maggie Bataille. Maggie Bataille à la guitare. Ah, en vrai, la guitare qui avait Olvida, ouais, qui est à l'envoi, tout là, d'où vient. Oui, il est là. Claro, claro, et, hein, ouais, vous dites, hein, Pépère. Pépère, la technique avec Fernando et tout le bordel là-bas. Et puis, on a un certain Carl aussi, il y a deux Carl. Mons. À la contrebasse. Oh, mec! Ouais, on présente les musiciens. On, oui. Hein, c'est un concert ici ce soir. Hein. On est sur la scène, tu vois, avec le rideau. Bien sûr, oh, on n'a pas oublié, hein. Ricard, pour le meilleur. Bon, on n'a plus de bière. Petite parenthèse. Mais Ricard Parera, la batterie, forcément, ça envoie du gros. T'inquiète, t'inquiète. Il a pas compris la blague, mais bon, je lui traduis. Ah, hein, bon, t'inquiète. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors. Tu sais, la boisson. L'ombre de ton chien. Pastis. C'est bien ça, oui, Pastis, Pastaga, tout ça, comme le nom du bar, justement, ces chansons françaises à Barcelone, hein. Ceci, cela, Edith Piaf et compagnie dans le quartier. Et alors, c'est marrant parce que dans vos amis sur MySpace, il y a les Tueurs de l'Armée Rouge. Ça, c'est ouais, génial. Vous connaissez? Je sais pas hein, si c'est les mêmes qui ont réussi. Ça non, c'est pas les mêmes. Ah, voilà, je voulais savoir. C'est un groupe de Lyon qui font du théâtre musical avec des chansons et tout d'accord. ça autour okay. du Pinard, Salle Rouge. Dans les vieilles caves au fin fond. Bon, bah, on comprend bien. On a aussi, tiens, la Rumba dans vos potes, ils sont venus ici, hein. La Rumba, attention. En fait, on a des potes comme ça qu'on connaît pas vraiment. On se connaît de MySpace, mais pas voilà. vraiment. Voilà. Eh ben, faut les rencontrer, des gens cool. Rumba, oui. On est d'accord, là, au côté Rumba. Et puis, alors, ça, c'est marrant, on parlait de Gainsbourg qu'on va écouter tout à l'heure, qui va nous appeler, bien sûr. Et il y a Georges Brassens, c'est Brel comme pote sur MySpace. Et, c'est sympa, quoi, qu'ils sont venus s'inscrire. Oui, ils ont ressuscité. Et puis voilà, on leur a dit bon, quand même. Bon, quand même. Une chanson en concert, on va vous accepter, quand même. Et voilà. Bon, ben, ils vous ont écouté. Donc, un groupe qui vient pas de Barcelone, qui vient de Sardoni d'Anoia. C'est bien ça, je sais pas, je prononce mal à chaque fois, c'est le bordel. Bref, ne me quitte pas et compagnie, Jack Brel, on enchaîne sur un petit clou Nougaro, il y a ça en stock, un Anna un petit clou Nougaro, oui, le clou de la pendule. Le coq et la pendule, si ça vous dit. D'accord, bah ouais, carrément. Hein. Allons-y. D'une ferme du Poitou, un coq émet une pendule. Tous les goûts sont dans la nature. D'ailleurs, ce coq avait bon goût car la pendule était fort belle. Et son tic-tac si doux que le temps ne pensait surtout qu'à passer son temps auprès d'elle. Dans une ferme du Poitou, un coq émet une pendule. De l'aube jusqu'au crépuscule et même la nuit comme un hibou. L'amour le rend en coctambule, des cocoricos plein le cou. Le coq rêvait à sa pendule du Poitou. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule. Ça faisait des conciliabules chez les cocottes en courroux. Qu'est-ce que c'est que ce coq, ce cocktail, ce drôle d'oiseau, ce vieux coucou qui nous méprise et qui ne nous donne jamais un petit coup dans l'aile. Dans une ferme du Poitou, un coq émet une pendule. Oh mesdames, vous parlez d'un Jules, le voilà qui chante à genoux. Oh ma pendule, je t'adore, oh laisse-moi te faire la cour. Tu es ma poule aux heures d'or, oh mon amour. Poitou, un coq qui met une pendule. Il est temps de venir à bout de cette fable ridicule, de cette crête à testicules qui chante l'aurore à minuit. Il avance ou bien je recule, se disait notre horlogerie qui trottinait sur son cadran du bout de ses talons d'aiguille. En écoutant son Don Juan, lui se rimait la séguedille. On imaginait son trépas, on a besoin d'être devin. La pendule, ça ne leur dure pas. Coq au vin. Ah yes! Ah franchement, ça le fait, ça le fait, ça le fait, ça le fait. Carrément pas mal. Mesdemoiselles et messieurs, hein, enfin mesdemoiselles, oui, puisque dans l'assemblée. Et je parlais d'Anna, bien sûr, l'interprète hein, de ce bordel, j'allais dire de ce bordel, mais non. Merci. Non, dans les studios, quoi, parce que effectivement, avec notre écouteur, hein, notre matériel, on n'entend pas grand-chose. Mais rassure-toi, ma chère, les auditeurs nous écoutent, bien sûr, c'est clair. Et sur le web et compagnie, à travers le monde, hein, quand même, hein, sur contrabanda.org. T'es d'accord, hein, Fernando? On est d'accord là-dessus. On n'a pas eu de coup de fil ce soir, hein, si vous voulez nous appeler, là, entre deux, on a toujours 93 317 73 66, c'est le numéro d'ici, hein, si vous voulez parler, entendre une voix chaleureuse, ceci, cela, poser des questions, savoir que se passe-t-il réellement, qu'est-ce ce groupe, ceci, cela. Mais bon, bien sûr, Anna, t'es d'accord, on peut vous voir prochainement, en chair et en os, hein, pas qu'à la radio. Voilà, ce mercredi prochain, 23 mai, à 11h du soir, au Café Théâtre Lantiol. C'est dans la rue Riereta, dans le quartier du Raval. Exactement, juste à côté du squat, hein, des ruines à Amalia. Justement, il y a des bonnes petites teufs en semaine, tout ça. Certains comprendront. Donc voilà, on est là ce mercredi-là, le 23, et le mercredi 30 aussi à 23h. Date supplémentaire, parce que ça cartonne, il faut le dire, ça cartonne. L'ombre de ton chien, Barcelona, ils ne se placent pas pour rien, et hein, c'est vrai. Les Catalans, et quand justement en France? Dis-nous tout, Anna. Comment? Est-ce qu'il va y avoir une date qui va tomber, justement, tu vas dire, tiens, je vais aller voir mes potes. C'est pas prévu encore. J'espère que mes potes à Lyon, ils vont bien me trouver une date un jour. Mais en même temps, aller avec, en France avec des chansons françaises à eux, que des Catalans viennent interpréter leurs chansons aux Français, je sais pas si. Bah écoute, Anna, mais quand on le fait bien comme bus. Mais si on le fait bien comme vous le faites, c'est pas un problème. Oui, ben j'ai pas. Oh, alors ça c'est arrivé droit au cœur. Moi j'aimerais bien vous entendre parler catalan tous les deux, parce qu'on est sur une radio catalane, un contrabanda, on s'est un peu incrusté, les gabachos, boum boum, on va dire quoi, allez, on squatte les ondes, c'est bien ça, hein, plus ou moins. Donc le côté catalan, parce que, allez, hein, mon amiqueta, puedes cantar en catalan también. Cantam català. Si. Alors, je peux faire une chanson à moi en catalan, si vous voulez. Ah bah écoute, on enchaîne là-dessus, justement. Où je mélange du français aussi. À un du franco-catalan. Oh, voilà. C'est énorme. Bon, génial. Bah alors, s'il y a un bon mix dans tout ça. Le catalan et le français se retrouvent, c'est génial. Et puis, c'est surtout qu'en plus, tu vas prendre place au piano. Oui, il faut que je saute par-dessus la batterie. Ah, c'est... Hein, bon. Eh bah écoute, petit moment intimiste. Une femme aux doigts de fée qui s'installe. Allons voir. Une future étoile, hein. Hein, la Estrella, comme notre marque de bière, ça n'a rien à voir. Allons-y, la miss, on t'écoute. Et la contrebasse n'est pas loin. J'ai retourné ma veste, parce que de toute façon, la doublure, je me suis aperçu que la doublure était en vision. No coneixia el mar, la princesa mai no havia nadat. Un dia es va esquitxar, però esquitxar-se no és nedar. Si el que vols és nedar, tu tranquil·la, te'n puc ensenyar. Paraula de mariner, que nedar t'ensenyaré. Veus, això és el mar. Aquí et deixo, me'n vaig, que faig tard. Tu no enfonsis el cap, mou els braços, au revoir. Sola al mig del mar, ei bromista, on t'has amagat? Sola no sé nedar, sola jo em puc enfonsar. Tu voulais nager, t'as la mer en face de toi, suis le marin. Mais le marin est un blagueur, il t'emmène loin du port. Il te pose et puis il rentre, il a plus envie de t'apprendre. Et il laisse couler ton cœur, c'est comme ça que de trop mort. Mais ce n'est pas de le donner qui t'enlèvera l'envie de nager. units al mig del mar. Cor decebut és cor enfonsat. Si el cor és gran, pots surar. Si és enorme, sola, pots nedar. I neda que nedaràs. Ja no és princesa, és deessa del mar. És la sirena amb la que somien tots els mariners. Wow. Olé. C'était magnifique parce qu'à la fin on entendait les mouettes de Barcelone. Ah, ah, ah. Ah, c'est énorme. En plus le petit solo là pour finir et tout, tout en douceur, en finesse. Oh. Et où est le rideau rouge là quand, hein, quand même qu'on l'ouvre grand hein, dans notre décor là de notre studio violet. Les petits studios ouais, cabaret. Ça fait plaisir surtout à d'autres programmes qui sont là, Ernest et Catalan et compagnie, tout ça les auditeurs parce que on a une petite rediff le vendredi de 11h à 13h, voilà, donc le public, qui est, voilà, les gens qui passeront avec leur voiture, tu vois, pas très loin, pouf, ils tombent sur Contrabanda, ils disent, oh, un petit moment de fraîcheur, c'est génial, hein, sous la chaleur. Donc j'ai, hein, on va continuer là-dessus, le public raffole, les Français aiment bien Paris Combo, ça, je tiens à te le dire quand même, Anna. Les jeunes surtout. Et puis Maurice Vian, dans un autre registre, hein, aussi. Mm-hmm. C'est vrai. Oui, bon, bien, oui. Alors, si, parce qu'on a parlé de Johnny Hallyday tout à l'heure. On a une chanson de Johnny quand même. Si on peut la faire, ça serait énorme. Johnny, hein, hein, okay. J'en parle aux musiciens parce que en fait, c'est une version un peu funk, un peu Voilà, avec les instruments qu'on a aujourd'hui, un peu acoustique. Je ne sais pas si ça peut aller. On en. Oh, on est friand ouais. D'improvisation du côté expérimental, nous, les gars, parce que le batteur dit qu'il n'a pas de grosse caisse, donc du coup, il va taper par terre. Donc... eh ben, écoute, le voisin, il sera dans le rythme. C'est cool, nous aussi. Si. Alors. Il faut qu'on trouve le... Ah, c'est vrai qu'il y a le son, il y a le côté funky du début avec le synthé. Alors ça, vaut mieux être patient parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ouais. C'est vrai ? Non, bien sûr. Les gars. Il s'est levé à mon approche, debout il était tout petit. Je me suis dit c'est dans la poche, ce mignon-là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était râblé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à la piole, et j'ai crié, vas-y mon loup, fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny, envoie-moi au ciel, zou. Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny, moi j'aime l'amour qui fait boum. Il n'avait plus que ses chaussettes. Il me regardait d'un œil bête. Il comprenait rien malheureux. Et il m'a dit l'air désolé, mais je ne ferai pas de mal à une mouche. Il m'énervait, je l'ai giflé. Et j'ai grincé d'un air farouche. Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny, je ne suis pas une mouche. Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny, moi j'aime l'amour qui fait boum. Voyant qu'il ne s'excitait guère, je l'ai insulté sauvagement. Je lui ai dit tous les noms de la terre et encore d'autres bien moins courants. Ça l'a réveillé aussi sec et il m'a dit arrête ton charme. Tu me prends vraiment pour un pauvre maître. Je vais t'enfiler la série noire. Tu me fais mal, Johnny, Johnny, Johnny, ouf avec les pieds. Tu me fais mal, Johnny, Johnny, Johnny, j'aime pas l'amour qui fait pire. Sa petite chemise, son petit complet, ses petits souliers. Il est descendu l'escalier en me laissant une épaule démise. Pour des voyous de cette espèce, c'est bien la peine de faire des frais. Maintenant j'ai des bleus plein les fesses. Et plus jamais je ne dirai fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny, envoie-moi au ciel. Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny, moi j'aime l'amour qui fait boum. Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny, envoie-moi au ciel. Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny, moi j'aime l'amour qui fait boum. Tu sais ce que j'aime. Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny, envoie-moi au ciel. Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny, moi j'aime l'amour qui fait boum. L'ombre de ton chien sur Contrabanda, sur Contrabanda, FMA, Nueve Uno Punto Cuatro, en direct, et c'est un plaisir, et ça enchaîne, bien sûr, mes chers, et pour vous dire, ouais, tout simplement, on va faire monter à Paname, hein, voir les petits cabarets, tout ça, quand même, hein, du côté de Pigalle et compagnie, parce qu'apparemment, il y a des influences des années 40, on est d'accord. Oui, un peu des années 40 jusqu'à l'actualité, on a pioché dans des chansons que j'aimais bien, en fait, et que j'avais proposé aux musiciens, ils avaient bien aimé aussi, donc du coup... Donc toi, t'es au centre du projet, on est d'accord là-dessus. Oui, en fait, je suis venue de Lyon avec mes petites chansons, on s'est réunis avec les musiciens, on s'est dit, tiens, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça vous dit... Bon, oui, on fait ces chansons, donc du coup, voilà, les chansons sont choisies un peu comme ça, les chansons que j'aime bien, en fait. Et... Bah écoute, c'est des très bons choix, nous, on est d'accord là-dessus, et très bon choix pour le lieu, hein, le Théâtre Lantiol, ouais. On se souvient, la Carabarna, il y a eu des sessions, plein de choses là-bas, et c'est vrai que c'est le côté théâtral et compagnie, bien intimiste. À Barcelone, quand même, c'est l'idéal pour la chanson française, quand même, on est bien tombé. On est d'accord, alors justement, replongeons-nous un peu dans cette époque, avant de faire le point sur les concerts ce week-end, et puis accueillir les Chisudaka, hein, qui reviennent. Viennent d'Allemagne et compagnie, qui sortent un nouveau CD, DVD et compagnie. Hein, voilà, donc des choses importantes. Et puis, bien sûr, le côté local, Contrablanda, Plaza Real, les Gabachos. Tous les Gabachos, franchement, se disent, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une Catalane qui chante français? Dis donc, mais non, on en reparlera plus tard. On espère bien. Voilà, donc, un petit Paris Combo sorti de nulle part, c'est possible? Oui. Ah, ça va faire plaisir, hein. Ça va faire plaisir. Quand j'étais dans mon antre, où l'on entre sans frapper, quelqu'un a pris l'escalier sur une petite idée de colimaçon. Il était maçon, il avait les mains tendres, et de quelle façon il m'a bien fait comprendre que de tout l'immeuble j'étais la voisine qu'il avait le plus envie d'aimer. Alors j'ai dit merci, merci beaucoup, mais voyez-vous, je viens d'emménager dans cet appartement où je vis seul, tout simplement. Mais au même moment, j'ai pensé. Tabadam, tabadam, tabadabadam, tam, tabadam, tabadam, tabadabadam, tam. L'amour a frappé à ma porte. Tabadabadam tam, tabadam, tabadam, tabadabadam tam. J'ai ouvert que le diable m'emporte. Tam, tabadam, tabadam, tabadabadam tam, tabadam, tabadam, tabadabadam tam. Tout mon squelette est ravi. Tabadabadam tam, tabadam, tabadam, tabadabadam tam. Et ça, je l'emporte au paradis. Oh, oh, oh, oh, mes seigneurs. Seigneur. Et ça, mon Dieu, je l'emporte au paradis. Mais Seigneur, il faut que je m'agace. Pour l'heure, il faut que je ressasse tous mes sentiments égarés, mes pôles oubliés, mon ressort abîmé. Mais Seigneur, il faut que je m'agace. Pour l'heure, il faut que je ramasse tout mon squelette en entier, mes plaies non suturées, en mon cœur isolé. Votre amour tombe à pic. Ah oui, mais moi je vais tomber de très haut si vous me laissez pas le temps tactique de me remettre en selle au galop. Mais au même moment, j'ai pensé. Tabadam, tabadam, tabadabadam, tam, tabadam, tabadam, tabadabadam, tam. L'amour a frappé à ma porte. Tabadabadam, tam, tabadam, tabadam, tabadabadam, tam. J'ai ouvert que le diamant fort. Tam, tabadam, tabadam, tabadabadam, tam, tabadam, tabadam, tabadabadam, tam. Tout mon squelette est ravi. Tabadabadam, tam, tabadam, tabadam, tabadabadam, tam. Et ça, je l'emporte au paradis. Oh, oh, oh, oh, oh, mon Seigneur. Oui, oui, Seigneur. Aïe, Seigneur. Et ça, mon Dieu, je l'emporte au paradis. Mon Seigneur. Oui, oui, Seigneur. Aïe, Seigneur, et ça, mon Dieu, je l'emporte au paradis. Oh yeah! L'ombre de ton chien, et voyons en direct ce soir. Oh. Et de toute façon, on était prévenus, hein, sur le fly, c'était marqué, alors attention, hein, musique alimentée de jazz, voilà, avec des paroles et des expressions, de la nostalgie, de la passion, de la gaieté, de la douceur, de l'ironie, de la tristesse également. Oh, c'est tout ça dans un spectacle, effectivement, parce que y a des subtilités en catalan, des blagues aussi en catalan, on est d'accord, Anna? Et ben, hein, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Donner rendez-vous, quand exactement? Dis-nous tout. Mercredi prochain ou l'autre, au théâtre Lantiol, rue, je ne sais plus en quoi je parle. Et le rue avec carré, la R, c'est bien. Rue, carré Riareta, numéro 7, de Barcelona. Et à bah... las 23h, à 23h du soir. Voilà, on vous attend. D'accord, en catalan, allez, viens. Hein. Doncs el concert és dimecres que ve, dia 23 de maig, i dimecres, dia 30 de maig, també, a les 11 de la nit, al Cafè Teatre Llantiol de Barcelona, carrer Riereta, número 7. Oh, on est d'accord. Très bonne surprise. Radiophonique est là, Anna. Hein, on va t'embaucher pour les jingles, tout ça, et tout, un truc, un pouf foufou et compagnie. Là. Bon, ça le fait, parfait. Encore merci d'être venu. Merci à vous. Là, on va essayer de vite fait se passer. Allez, 10 minutes de Willy Man, on va lancer les concerts, et il y a les Chesudaka qui arrivent juste après. Voilà, pour aller 25 bonnes minutes, on va dépasser un tout petit peu aujourd'hui. J'espère qu'Ernest, ça le dérangera pas. On a des gens, hein, des pionniers de la radio ce soir avec nous, des gens influençables. Il nous manque la mascotte, Antonio. Mais bon, il est déjà venu, on est d'accord. Allez, Willy Man, chef, et puis on enchaîne sur les concerts et les chi nous rejoignent. C'est Los Gabacho, c'est pas fini. Allez, il nous reste 40 minutes, benga. Contrabanda. Contrabanda. Sí, ya está. Ouais, ouais, bah, en fait, c'est une petite dédicace, ouais, c'est Claire Williman qui nous a quitté un 30 mai 2003. Bah voilà, bah, ça fait déjà un bon petit moment, c'est presque, on va dire, l'anniversaire. Quelque part, à 36 ans, pionnier de la scène Free Party, entre autres, musicien, DJ, danseur, activiste, des implications dans le monde des squats, entre autres. Et voilà, militant et référence au hip-hop à ses débuts, voilà, la Jungle Drum and Bass au sein des Nomads, The Pose et de Massimas, Jungle Urban, scène techno hard, bien pour vous, rien que pour vous, Williman, ça fait plaisir. What price you? extinguished now and gone from us forever. Ouais, ils sont là, les Chisudaka en direct, et ouais, bah, Radio Contrabanda, forcément, Los Gabachos, Plaza Real, Barcelona, tío! Claro, Contrabanda, FM, 91.4. Et ben, bah, on va parler tout de suite des concerts, parce que, y a plein de choses cette semaine, on enchaîne sur le groupe, il y a l'accordéon qui est sorti, la vieille rate de la rue, normal, Léo qui a sorti la guitare, tout le monde est là, El Cacha, El Marcelo, la basse et compagnie, y a-t-il la basse? Ah! Non. Ah si si, ah, otro instrumento, que guay, c'est le baro quasi. Hein. Bah allez, alors ce soir, rien de spécial, à part notre émission, bien sûr, les Batuqueiros de la Calle, au Cashba, comme chaque mardi. Voilà, donc ça c'est Barceloneta, on est d'accord. On a Black Mountain aussi, qui déboule à une soirée spéciale qui est gratos, avec MC Under. Voilà, c'est au Pressing Underground Club, Calle Valencia, 196, 23h. Et voilà, donc Jakucha qui sera avec Général Inail, on les a eu déjà avec nous à la radio. El Tio Carlos Papawa, ça c'est au Sidecar le même jour, Plaza Real 22h, The Abyssians, Abyssianians, voilà, enfin moi j'ai Abyssinians, Abyssinians, Abyssinians. Tio, le reggae fatal, le reggae, comment yo le digo siempre, claro, somos de acuerdo. Voilà, donc ça c'est à l'Apollo, hein, Abyssinians, on est d'accord, bon c'est ça. Et puis il y a le festival de flamenco de la Ciutavella au CCCB qui démarre mercredi, entre autres, voilà, des concerts gratos au Chill Out. Et puis jeudi on a l'Apollo avec Nas qui passe, Jalo Real au CCCB, bien sûr, Latino Hospitalet à Bodega Salto, à Poblesec. Et puis il y a un paquet de choses, il y a nous au KGB vendredi, Las Migas au CCB, Manu Chao qui démarre sa tournée à Vancouver, on a Daniel Renico à Mataro, Jalo Real Santa Columna, samedi, alors gros festival, Los Chesudaka, una fecha importante creo para la banda, no es verdad, Sabado Proximo, el lado, como decía, el lado muy, muy latino, el concierto de Sabado, los chicos, en el club, claro, clarísimo, con Palo que sea, Loke Yukele, redonnez pas la bras. Scapatou, voilà, il y a Barucata, Paceros, tout ça, ça commence à. Daniel et Renico, MPSA à Las Doce, ça démarre à midi, il y a plein de choses. Voilà, on va parler de toutes ces prog. Bien sûr, c'est au centre culturel la Farinera del Clot. Voilà, Grandia Clot catalan. Glorious aussi, on peut aller à Glorious, c'est gratos, c'est à partir de midi. Il y a Stalking Trio aussi, et puis voilà, et puis ça enchaîne, il y a Beyoncé, voilà, pour tout. Pour tous ceux qui veulent balancer au moins 50€ dans leur gueule, dimanche, ça c'est au Palais au Saint-Jordi. Voilà, non, on n'y sera pas, vous inquiétez pas. Et puis les Tchés qui sont là en direct, qui sortent de la. Qui gagnent des dons des noms des qui passent, de la Caillé qui a pas ça, non. Ça arrive. Llegamos del Bahía, que es un bar francés. Ah, sí, del Gabacho. Muito francés, Gabacho. Ah, de Gabacho. Pero un bar del barrio y está bien de la Plaza del Tríplice. Sí, sí. Ah, claro, había concierto. Todo el día también. Todo el día. Sí, para el nuevo disco. Claro, sí, tocante una hora. Los aportes de acá de la gente que no. El crítico número uno de la los televisión. Los que no toman. El aporte de la gente que no toma. Gente que no. Gente que no, pero no sé. Porque. De toda manera, ¿cómo era por la calle? Bueno, el ambiente, la gente. ¿Qué pasa los Chesudaka? ¿Qué pasa? Nuevo disco, se puede recorrerlo solo para encontrar la banda. Hay un nuevo disco que sale ahora mismo, con un DVD, ¿no? Que sale ahora con un DVD y que justamente es un sonido súper callejero. Y casualmente estamos tocando bastante por las calles de Barcelona ahora de nuevo, ya que son las elecciones y los políticos dejaron de mandar a la policía para frenar a los músicos como hacen habitualmente. Estamos jugando un poquito con eso. A ver, vale, si no escucha ningún político y nos manda claro. La policía mañana. Ah, si no escucha político, que mañana no la mande, o sea, por favor. Que mañana. Por lo menos hasta el 8 de junio, ¿no? Ni mañana ni nunca, ¿no? Eh ben, ils sont là, les Tchés. En clair, il y a Katia, il y a Leo, il y a Marcelo, Checo, Jota et Cordones. Cordones. C'est ça? Cordones. Ouais, Ron Abora. Et Ron Abora, il dit, ok, qué guay, tío. Génial. Génial. Señora, Cordones. Ah, d'aller. On est d'accord, voilà, donc tous les gaziers de la troupe de Chesudaka qui débarquent, qui est liégan de Allemagne, et c'est beaucoup. Hein. Sí, Allemagne, Holanda, Suisse et unos cuantos países de por ahí arriba. Belgique. Non, eso es mentira que venís morenos, no podéis venir del norte, ¿qué pasa? El moreno es de la playa de Barcelona y tenemos morado de paleta, salió un versito y todo. Si nos quitamos la camiseta, otro versito. Bueno, te mostramos blanca las tetas, otro versito. Hasta las tetas. En Ámsterdam hace calor. Hemos tocado en la calle en Ámsterdam también. Se estaba a gustito. Jolala. Entonces es una locura, no sé. Ámsterdam es una ciudad donde dicen que hay libertad, pero libertad solo para el porro, porque lo que es el resto son más esclavos que aquí, ¿eh? bien dicho, tío, es verdad, los micros, hay que hablar, claro, y hablar sobre todo de 17 días de gira de la banda, 10 conciertos en total, en Berlín dos veces, Fribourg, Zurich, Stans, Olten, en Suiza, es este, ¿no? Y Katwijk Antje de Holanda, que es difícil de. Para los gabachos también que pronuncian, tío. Bien, así que estamos a mano por culo. Y en Wageningen, tío. Increíble. Si alguien sabe dónde está, que llame al 93-317-73-66 y ganará un disco de Chesudaka, por lo menos. ¡Oh! Por lo menos. ¡Hola, a las fanáticas fuera después del programa en el Fuente, a ver si tocan todavía por la calle después, como aquí, porque el tiempo pasa, tíos. ¿Hay nuevos temas desde poco o sí, qué se toca? Ah, vamos, vale. Vamos a hacer un par de temas del disco nuevo, dale. Dale. ¿Disco nuevo para todos? Ya, hablar para Chesudaka ya. Vale, hombre. A tocar mirando al mundo al revés. Venga. Mirando el mundo del al revés, tío. Ese es el nombre del disco. Vamos a hacer Porque me place, como dicen aquí. Vamos a hacer El alma rebelde. Vamos ahí. Ritmo sudamericano, argentino y colombiano. Chesudaka en la casa. En los gabachos, ¡hey! Contrabanda. Pupapay, pupapay, pupapay. Pupapay. bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye. Ese riff dice. Micrófono hablando lo que sé, toda la realidad que parece que usted no ve. Agarro el micrófono hablando lo que sé, toda la realidad que parece que usted no ve. Lo que tengo lo que ve, pero no hay, pero no hay más nada que ver. Tengo lo que ve, pero no hay, pero no hay, pero no hay, pero no hay. Tengo lo que ve, pero no hay, pero no hay más nada que ver. Tengo lo que ve, pero no hay, pero no hay, pero no hay, pero no hay, pero no hay. Tengo que pensar para que entiendas bien lo que pasa en la ciudad. Si vas a la calle y no podés tocar, viene la policía tu guitarra a secuestrar. ¿Cuál es tu problema? Digo, la verdad. Digo, lo que quiero no me vas a hacer callar. Digo, no hay conciencia, solo saben disparar. Digo, una masacre no vas a justificar. Ey, ey. Alma rebelde, levántense. Digo, no hay conciencia, solo saben disparar. Alma rebelde, levántense. Digo, una masacre no vas a justificar. Digo, no hay conciencia, solo saben disparar. Grite más fuerte, comuníquense. Bumba, bye, bumba, bye, bumba, bye, bye. Bumba, bye, bumba. Che sudaca, baile señora. Ça c'est Che sudaca pour los gabachos, almas rebeldes. Rebelle-toi, lève-toi. Putain, ça envoie du gros, les gars, ça faisait longtemps. Allez, Che sont de retour. Ils sont back in the barrio, en action, vero, tío. Claro. Et l'actualité, parce que la banda, claro, acaba de salir su tercero disco, ¿verdad? Mirando el mundo arrive. Qu'est-ce que signifie, quand même, ton texte? Que las cosas cambian, que mirar detrás, que en el futuro, que pasa? No, es un poco la manera en que venimos viendo el mundo desde que, no desde que nacimos, porque fuimos educados como toda la gente en el mundo, ¿no? En una escuela estereotipada, pero cuando uno empieza a viajar y a vivir, se da cuenta que termina mirando el mundo al revés, porque se encuentra con reglas que no son las naturales ni las que uno quisiera que sean. Entonces, ah, el hermano está de acuerdo. El cacho... De hecho, no sé, Leo... los hermanitos, como decís vos, vivimos mucho tiempo enfrente de la playa en Argentina y veíamos el Atlántico, ¿no? Y venimos acá y vemos otro océano y es como realmente era lo mismo, pero viendo el mundo al revés, total. Al revés. O mirando el mar, no sé, como mirando yo. Mirando el mar, que es parte del mundo al revés. al revés o por el culo, no lo sabemos. A ver, entonces la banda toca próximamente en la Salamandra, gran fecha también. Próximamente en junio, es como a casa. Entonces, porque no, la banda toca en los estudios de Gambi todavía, está en otra producción. No, lo de la Salamandra es en junio, pero es. Pero es muy cerquita, es al lado del local de ensayo, es con el señor Benegao. Vale. De Brasil. Tenemos un estudio ahí. que se llama Zuka. Vale, 20 euros la hora. Cobra barato. Justamente el disco este fue grabado al lado, en el Zuka Studio, que es propiedad de Sergio, el teclista de Che Sudaca. Vale. Donde siempre estamos haciendo compilaciones, historias y... La compilación como de Sabor Disco, lo que habían antes, otras cosas. Casi se hace ahí. Pero ah, casi. Bueno. Al final no, pero hicimos La Perloca Pagadicia, hicimos... Lo del mariachi, ¿no? la compilación. El mariachi tampoco se hizo o, otra ahí, cosa. A ver si pegamos una, Sylvain. Bueno, claro, no sé. La verdad es que no sé, tío. Son preguntas. A ver lo que me dices. Estamos haciendo. Se grabó el Mirando el Mundo al Revés. Futuro estamos haciendo compilado. Acá una compilación para el pueblo saharaui. Ajá. Jujuy también. Bueno, pero eso. Proyectos entonces. Son proyectos a corto plazo, ¿no? A corto plazo, entonces es una movida, claro, porque entonces 13 canciones en acústico, ¿se ha hecho allí en este estudio o por la calle? Sí, señor. No, porque no, por el barrio, ¿cuántas personas han escuchando el disco? Acaba de salir, ¿verdad? Hace dos días más o menos que... Cuatro. Exactamente cuatro. Cuatro. Claro, pero cuatro días tocando en la calle ya se vendieron como cerca de 200. Ah, sí. Vale, es funciona, la mejor guay. Difusión tocar en la calle y siempre lo decimos a todas las bandas que estén sacando un disco, salir a la calle. Pero miren bien dónde está el patrullero, Entonces hay que buscar los Chesudaka por la calle, claro, tío, claro. Entonces, ¿otra canción o otra exclusiva? No sé. Algo especial. Y no de la radio, tranquilos, no os preocupéis. El programa, me imagino. Ay, verdad, tío, imagínate cómo es peligroso. Esta canción está dedicada a los barrios que cantan. Así que cante en su casa, señora. Con su hijo si lo tiene, baile. Leo. Canta Che Sudaca. Leo. Canta Barcelona. Leo. La Plaza Real también. Leo. Canta Contrabanda. Leo. Y canta Sylvain. Leo. Y canta mi gente. Leo. La voz que no calla. Leo. Aún lo dice. Leo. Están los hermanos, todos mezclados, todos divididos en el mundo esclavizados. Miro y me pregunto por qué siempre resbalamos. ¿Será porque el humano nunca quiere que esté a su lado? Mi boca es un arma dispuesta a disparar. Balas infinitas cuando vayan a gatillar. Mi boca es un arma dispuesta a disparar. Balas infinitas cuando vayan a gatillar. Todo mi barrio lo quiere cantar. Canta. Todo mi barrio lo quiere cantar. Canta la peña. Canta la peña, todo mi barrio lo quiere cantar, todo mi barrio lo quiere cantar. Canta la peña, canta la peña. All time. Mi boca es un arma dispuesta a disparar, pero no son. Balas para matar, son balas de amistad, son balas de justicia. Matando la justicia, a tu alma llegará. Tus palabras son balas, dispara. Tus palabras son verdad, ¡tre-ba-ba-ba-ba-ba! Tus palabras son buenas, dispara. Para que las sepas usar. Y hago rampa pam pam, para que no me quieras dejar. Hago rampa pam pam, para que me quite la libertad. Hago rampa pam pam, y no me voy a parar de expresar, porque lo que tengo es su libertad. El barrio lo quiere cantar. Canta, todo mi barrio lo quiere cantar. Canta la peña, todo mi barrio lo quiere cantar. Todo mi barrio lo quiere cantar. Canta la peña, canta la peña. Pero cuando vaya a gatillar, pero cuando vaya a disparar, y no son balas van a matar. Es un mensaje original y digo, pero cuando vaya a disparar, pero cuando vaya a gatillar, y no son balas para matar, no, que su raca canta. Todo mi barrio lo quiere cantar, todo mi barrio lo quiere cantar. Canta la peña, canta la peña, todo mi barrio lo quiere cantar, todo mi barrio lo quiere cantar. Canta la peña, esa palma. Canta la peña, otra banda. La peña está loca. Sí. Esos son los Che Sudaka. T'inquiète, Léo. Ouais, on est un peu tarés, les gabachos. Esta peña esta loca. Es para nosotros, los gabachos. Es verdad, Léo. Es verdad. D'ailleurs, on le prend avec plaisir. Il n'y a pas de souci, c'est clair. Donc, alors, apparemment, il y a eu des nuevos amigos, no sé, en este tour. Como Matt Cadiz, Beta Gary, Chango Family. Qué guay, tío. Hay nuevas conexiones. ¿Qué pasa? Por el Quebec, en el futuro. Bueno, En el caso de Betagarri es una banda aquí que nosotros conocíamos de hace mucho tiempo cuando estábamos en Mítica, una banda mítica. Una banda mítica, muy buena onda hicimos ahí en Berlín, que tocamos en contra del G8. Ajá. Mad Cadiz fue una banda también que, no sé, increíblemente muy, muy punky, ¿no? Pero increíblemente ellos conocían a Che Sudaka. Ah, ¿sí? y qué gente sorpresa, de Che Sudaka, tío. No conocía a Mad Cadiz, es increíble. Entonces, lo bueno fue que después de ahí hemos tocado en la calle, hemos salido a tocar en un bar. Ah, también en la calle ahí, alrededor de las fechas, o sea, el Royal Bar y todo con este. Con Mark Cadiz hubo una historia de corazón muy, muy buena. Ay, qué guay, como por aquí por el y barrio. Y otra banda también que se llamaba Valkinians, que era una banda de ska. Ajá. De Finlandia. De Finlandia era también. Muy, muy loco con... ¿Qué con se llama Contrabanda? ¿Cómo se llama, dice la banda? Valkinians. Valkinians, vale. Valkinians. Claro. Tenemos suerte de siempre hacer muy... Muy buena onda con gente que nos encontramos en el camino, con bandas que tocamos y todo. En Berlín son locos también, me imagino el público, tío. Claro, y también se ve conexiones a Amparo que ha colaborado en este disco, el rollo Chiapas, todo este rollo. Como decía, Amparo, muy famosa por aquí también, ¿verdad? ¿Y cómo se ha pasado? ¿Se encuentra por el mariachi, todas las conexiones de aquí, o el Tarkus, donde toca Is a veces? Claro, Plaza del Tripi, tío. El barrio, ¿verdad? Bueno, nada, o sea, aquí en el barrio siempre tienes la chance, si estás con las antenas paradas, siempre terminas haciendo cosas, ¿no? O sea, recién estuvimos con el Tonino ahí en el Bahía y ya quedamos. El Tonino, tío. Fernando conoce también ese rollo, qué pueblo es. Pero bueno. Cada persona que pasa por aquí, por la Plaza del Tripi, siempre, no sé, entre todos estamos en lo mismo y es normal que nos estemos juntando y haciendo historia, ¿no? Y seguís con las pilas cargadas, ¿eh? Se ve que viene esto con energía, con las balas bien cargadas, que decías, ¿no? Un pequeño... Sí, un guiño a los Cálidas también, ¿no? Puede ser por ahí, pero... Yo aquí con Silván un día entrevistando a Manu Chao le preguntaba, ¿no? ¿Qué problema tenía cuando nos hablaba pues de la represión, de la gira con Fermín Muguruza? Y yo le decía, joder, qué miedo dan las guitarras, ¿no? Ni que fueran armas y tal. Y él me dice, no, las armas son los micrófonos, no son las guitarras, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y seguís con letras bien potentes y se agradece. Se agradece que ante esta obviedad que tenemos tan grande y esta imposibilidad de protestar, de salir a la calle y tal, pues que por lo menos los espacios que tengamos, como es la música, sirvan para eso, ¿no? Sirvan para seguir soltando un poco de caña a este sistema que no nos gusta y que le tenemos que ver de al revés para verle la cara bonita, ¿no? Si no... Por eso la calle, hombre. Claro, y por eso, mira, el tiempo pasa, como decía, un tema propio de por aquí, de Plaza del Tripi, a veces le toca por allá, por ahí, todo, ¿verdad? Seguimos, ¿no? Tocando, aprovechamos que estáis aquí para hay darle la máxima cuenta. Ya que estamos. ¿Cuál es? Vamos ya, esto no podemos dejarlo de tocarlo nunca porque por más que nos hallemos, como diría el Córdoba, nos hallemos solucionado algunos los problemas cordones. De que no nos lleven de los pelos. Cordones. De los pelos porque no tenemos pelo, pero bueno. A mucha gente la sacan de los pelos y a mucha no la dejan entrar porque son ilegales antes de venir. Para todos ellos, sin papeles, vamos ya. A ver esa palma en su casa, mi gente. Señora, baile con su hijo. ¡Rico! ¡Ay, qué calentura! Y dice Che Sudaka, ¿no? No tomo tiempo, mate, mi amor. Siempre chequeo mi fútbol. ¡Gol de Riquelme! Después me escondo cuando viene migración. Inmigrante ilegal en Europa. ¡Wow! Sin papeles, ando sin papeles. Inmigrante ilegal en Europa. ¡Wow! Sin papeles, ando sin papeles. Inmigrante ilegal en Europa. No es más macho por tener un uniforme. Que la cintura pistolo. ¡Pum, pum, pum, pum, pum, pum! Yo me escondo cuando viene inmigración, inmigrante ilegal en Europa. Sin papeles, ando sin papeles, inmigrante ilegal en Europa. ¿Qué le vamos a hacer? Sin papeles, ando sin papeles, inmigrante ilegal en Europa. ¡Ay, qué rico! ¡Dale, dale! ¡Ay, qué rico! Suena la sirena, patearon la puerta. Creo que me vienen a buscar. Escóndete, escóndete, escóndete. ¿Qué dirá mi gente si me ve por allá de vuelta? Inmigrante ilegal en Europa. ¡Oh! Sin papeles, ando sin papeles. Inmigrante ilegal en Europa. ¡Oh! Sin papeles, ando sin papeles. Sudamérica ni Barcelona. Dedicado a todos los inmigrantes ilegales, boliviano, colombiano, argentino, mexicano, francés también, che sudaca. ¡Olé! Gabacho banda, tío. Los gabachos sont aquí. Hein. Trajimos sont, público. Ils sont là, ils sont là. Nos auditeurs, ils nous écoutent sur Contrabanda. FM 91.4. Ouais, ouais. Et puis sur internet aussi. Hein, www.contrabanda.org. Alors, les gars. Ouais, hombre, la peña, la peña. Hay que saber, nos quedan poco tiempo. Quiero saber la relación con la banda, con los Chiapas. Que, porque a veces a los conciertos... Como decía, hay flyers que se dicen cosas, que una casa ocupada, no sé qué, que han abandonado una estación de trenes, que hay una como decía, una movilización, la banda que sostiene este. Explica, Leo, qué pasa no, allá en tu país. Eso es una gente que conocimos en la gira que hicimos en el mes de enero por Argentina. Por Argentina. Porque como... la banda fui allí. Que, sí, estuvimos ahí 25 días haciendo una gira autogestionada. Por casa. Por casa. Que ya no es nuestra casa, es la casa de nuestra familia, pero no es nuestra casa. Eso, o sea, para ir tuvimos que ponernos mucho las pilas y hacer las cosas. Quizás hoy en día nos pensamos si realmente estuvo bien y realmente estuvo muy bien. Económicamente ningún manager haría una gira así, pero una banda yo creo que sí. Porque realmente fue irrepetible y creo que fue inolvidable. Y entre la buena gente que conocimos por ahí, conocimos a la gente de los galpones recuperados de Jujuy, que está al lado de Bolivia, 100 kilómetros. Ajá. Una sí. Gente que ha ocupado los galpones, que son las naves industriales del tren, de donde ya no pasa más el tren porque el Estado ha dejado de mandarle aporte y todo a esa región del país. Entonces ya quedaron varados ahí y los galpones del tren quedaron libres. ¿Y qué había? Los ocuparon e hicieron talleres y comedores para niños. ¿Fiesta y conciertos allá también? Siempre que pueden hacen cosas en función. Qué locura, había la misma cosa en mi ciudad, en San Río, en una estación de tren en sí, el pueblo. Tuvimos la suerte de tocar ahí, donde el año anterior había tocado el Manu con Radio Bemba. Y nos contaban que no mucha gente va a tocar ahí. O sea, están muy olvidados porque están en un lugar muy, muy perdido en el medio de los Andes. Entonces... poca gente llega hasta ahí. Si van los Rolling Stones, no van a tocar a Jujuy en su vida, por supuesto. Vale. Entonces, nos tocó ir ahí, conocimos la causa y decidimos volver a Europa e intentar, después de nuestros conciertos, con la pequeña ayuda que uno puede dar, concientizar a la gente de la historia, difundir un flyer e intentar hacer una colecta por ellos. Y en un mes tuvimos la suerte de mandar un poco de dinero para allí. Y se logró de una manera muy pronta el objetivo que nos habíamos marcado, que eran 500 euros, lo superamos. Y ellos súper agradecidos y súper contentos con el público Che Sudaca, que de Che Sudaca y el que va a haber conciertos, ¿no? Que nos han cruzado por adelante y realmente le agradecemos de corazón porque de no corazón. Se quedan con lo que dice la ay, televisión. Yeah. Escuchan, por ejemplo, gente como Contrabanda, si no nos estarían enterándose de eso. Y otra cosa, la relación con un cuartito. ¿Cómo es? ¿Familia? ¿Mucha familia? Claro, me imagino, porque ¿cómo ha pasado ahí? ¿La banda era esperando a usted a buscar fechas, a organizar algo? Bueno, también, como usted un cuartito lo conocimos en Barcelona. Ellos estaban de gira, habían hecho una gira muy importante por Alemania, por Francia. Y en el Tarkus y en el London Bar. Aquí tocaron Tarkus y London Bar y vinieron a grabar su disco nuevo en Barcelona. Lo grabaron aquí en el estudio... el Zuka Studio aquí en ajá. El Hospitalet. Barato, barato. Que cobra barato. Vale. Con barato, Sergio Morales. Un euro, amigo. Fala con Sergio Morales. Dale, porque no hay tiempo. Y nada, hicimos muy buena onda y justo coincidió que estábamos grabando el disco nosotros también. y hicimos una canción juntos. Ellos en el disco nuestro y nosotros en el. Claro, en porque el disco es el mismo rollo, como decir, el rollo alternativo, el lado punky de Argentina. De hecho, ahora juntos. Ellos, un cuarteto está por sacar el disco nuevo. Ajá. Que grabó en Zucca Studio, que cobra barato. ¿Cómo dices? Barato, ¿cómo, ¿cómo se llaman? Disco, ¿cómo se llaman? Zucca Studio. Barato. Está por sacar el disco nuevo en Argentina, un cuartito. Y hay una colaboración de Che Sudaca también, grabada en Zucca Studio. Claro. Bueno, pues eso es la solidaridad también, ¿no? Bueno, que se hace. Un minutito y una dedicación a la gente de Radio Roots, que es la gente que nos acompañó de gira por toda Argentina, donde toca nuestro antiguo percusionista el Kichi, y que ahí la están montando y de una manera, no sé, a pulmón. A peleándola todos los días como nosotros intentamos pelearla acá. Pues un abrazo de contrabanda para Radio Roots, ¿es? Radio Roots. Y una sola cosita que no se nos olvide el sábado. Porque el sábado, ya que estamos hablando de cosas sociales y todo eso, es muy importante porque es una plataforma sin ánimo de lucro que organiza toda esta historia el sábado. Una maratón tremenda. Sí, es un poco claro. Una maratón y una historia, pero tiene un trasfondo social muy importante y es sensibilizar a la gente y enterar un poco a la gente de los problemas que tiene un país como Colombia. Entonces, nada, bueno, aquí en Che Sudaca somos 4 argentinos y 2 colombianos y queremos estar ahí también colaborando con toda esta historia, ¿no? Es súper importante que la gente vaya para que se entere realmente de lo que está pasando. Porque obviamente lo poco que nos llega acá es a través de un filtro bastante tenebroso que es la televisión. Entonces es mejor que la gente vaya, se entere y nada, y la pase bien, porque va a haber un montón de música, de conferencias e historias acerca de los problemas que hay en este momento en Colombia. Y bueno, Chesu acaba de tener el privilegio de tocar ahí también. Pues recordamos que es en la Farina del Club. 12:30 p.m. Claro, ça se passe en fait, effectivement. La plateforme culturelle des Canto a la Vida, voilà, c'est eux qui organisent et c'est gratos au centre culturel La Farinera de Clot à Barcelona. Et voilà. Donc en fait, il y a un paquet de choses, expositions, il y a des ciné, on peut manger aussi la comida colombiana. Et voilà, ça termine avec Leche à minuit et ça commence à 12h avec un groupe qui s'appelle Maroma. Après, il y a des contes. Voilà, il y a plein de choses quoi, des taillères, plein de groupes Daniel Renico, Palo que sea, Luke Luke Eles. Sacapatu, ça doit être du ska. Sí, voilà, están los pasajeros, que les colombiens. Son los pasajeros, son un grupo de Colombia precisamente, exiliado en Barcelona desde hace 3 años porque fueron amenazados por los paramilitares, cumplieron 3 meses de prisión en Colombia y bueno, acusados de sedición y de barbaridades, detenidos en un concierto a la grande, ¿no? Como se hace con los músicos, ¿no? Hay que callarlos con el micro en la mano. Exacto. Y bueno, un saludo para Leo y para todos los compañeros de los pasajeros que están por aquí desperdigados entre España y Cuba, para que sigan resistiendo también, ¿no? Y para que sigan ahí con ánimo. Vale. Quiero aprovechar a mandar un saludo a Radio Bronca. Un saludo a Radio Bronca. De ahí. Grande Radio Bronca. Muchísimas gracias. ¿Cómo se llamaba el programa? La invasión de los bárbaros. Sigue en Radio Bronca. Sigue el. Cuidado. Yo me he bajado para el centro porque es que hay una cuesta para subir ahí. Leche Sudaca, ça se termine. Se acabó con un poquito de. Vale. 2 minutos, improvisación, lo que queréis. Hay que probar. Et ya está. Ça fait longtemps qu'on les attendait, les Che Sudaca du quartier. Vamos. El golpe de tu corazón dice bam bam. Dice la hip hop, hip hop. Dice one, dice dos, dice tres, vamos. Porque tengo vibración, burro, no me toca, no me pega tu rendición, porque tengo más impresión, bam bam, bam bam, yeah, bam bam, bam bam, bam bam, bam bam, bam bam, bam bam, yeah, bam bam, bam bam, bam bam, bam bam, bam bam, bam bam, bam bam, yeah, bam bam, bam bam, bam bam, bam bam, bam bam, bam bam, yeah, bam bam, quiero pero no quiero, quiero quiero, quiero, pero no quiero, quiero. Tengo, pero no tengo, tengo, tengo, pero no tengo, tengo. Tiempo para darle mi perdón, pero todo lo que me diga, todo lo que me diga, todo. Me mató de corazón, pero todo lo que me diga, todo lo que me diga, todo. Papá la nueva revolución, bam bam, bam bam, yeah, bam bam, bam bam, yeah, bam bam, humana la quiero no terminar, porque quiero que toda la cabeza piensen igual. Somos un campo en donde sembrar, donde crece todo lo que vos cosechar, saltando las bachas para continuar. Así la respuesta poder encontrar, el tiro de la calle que te va a quedar. Todo lo que pasa en la vida real. Babilo, babilo, babilo, babilo, babilo, babilo, babilo, babilo, babilo, babilo, babilo, babilo, babilo, babilo, babilo. Tens símptomes de sentir sempre el mateix per tot el dial? Tens estats carencials d'expressió o de difusió de les teves idees? Contrabanda FM. Ràdio lliure i no comercial de Barcelona. Contrabanda FM és un mitjà lliure. Aquesta emissora està contraindicada pels amants de l'esgai. En cas de dubte, consulteu la nostra pàgina web contrabanda.org.